إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إن شاء الله تعالى nous présentons un nouveau programme, une série intitulée مع التابعين avec les tabi'in. Inch'Allah, nous allons essayer de le présenter en 29 ou 30 épisodes selon les jours de Ramadan. Et nous essaierons donc de publier un audio chaque jour, bi'idhnillah ta'ala. Et celui d'aujourd'hui, que nous allons traiter, est une introduction à la série, Inch'Allah ta'ala. Et entre le Ramadan dernier et ce Ramadan, l'année a été pénible. Et nombre d'entre nous éprouvent le besoin d'une recharge d'énergie, une recharge spirituelle. On a besoin de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'un peu plus de foi et d'équilibre spirituel. Pas simplement des actes cultuels. Nous avons besoin de ce Ramadan. Et le Ramadan nous a manqué. Walhamdulillah, l'invité est arrivé. Et avec la proximité que nous avions d'Allah subhanahu wa ta'ala et les actions de grâce que nous multiplions bi'idnillahi subhanahu, ja'a Ramadan. Le Ramadan est donc venu. Ramadan, shahru siyam, le mois du jeûne, de l'exaucement des du'as, le mois où la dévotion du croyant accroît. Ce mois nous a manqué. Et pour commencer, mettons-nous dans l'ambiance en évoquant quelques hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Shahru Ramadan huwa shahru alladhi قال فيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين متفق عليه. Le mois du Ramadan, c'est celui dont le prophète صلى الله عليه وسلم a parlé lorsqu'il a dit, selon Abu Hurayra رضي الله تعالى عنه, quiconque jeûne le mois du Ramadan poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense d'Allah, Allah lui absout tous ses péchés passés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans un hadith que lors de la première nuit de Ramadan, un crieur, un héros appelle en disant que celui qui veut faire le bien s'avance et que celui qui veut faire le mal s'abstienne. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Et également le paradis se part d'une année à l'autre au mois de Ramadan et dit: oh Allah, donne-moi des habitants parmi tes serviteurs. Subhanallah al-Adhim. Wal hadith rawahu Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu annahu sallallahu alayhi wa sallam qala: inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلقت فلم يدخله منه أحد متفق عليه. Et également comme il a été rapporté dans le hadith selon Sahl Ibn Sa'd, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe en disant: l'une des portes du paradis s'appelle Rayyan, C'est par elles que rentreront les jeûneurs au jour de la résurrection. Et nul autre que eux ne passeront par cette porte. On dira, où sont les jeûneurs ? Et les jeûneurs se lèveront de leur tombe. Aucun autre qu'eux n'entrera par cette porte. Et quand tous les jeûneurs seront passés par cette porte-là, on la fermera pour que personne ne l'emprunte après eux. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il y a une heure, au moment de rompre le jeûne, pour celui qui l'observe, où il y a une invocation qui n'est jamais refusée. C'est un hadith qui a une faiblesse dans sa transmission, mais il est quand même bon de le citer et d'espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations. Et parmi les mérites et les bienfaits du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala il délivre chaque jour des personnes de l'enfer et à chaque nuit comme il a été rapporté de manière authentique par Tirmidhi. Après cette introduction qui encourage à faire l'effort pendant le mois de Ramadan, commençons donc avec les tabi'in. Alors qui sont les tabi'in? Les tabi'in sont la génération qui sont venus après les sahaba, après les compagnons. Ceux qui n'ont pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont connu au moins un de ses compagnons et qui sont morts tout en étant musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: bienheureux celui qui m'a vu et bienheureux celui qui a vu celui qui m'a vu. Et le Coran a mentionné les tabi'in des musulmans et ceux des autres générations. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: les tout premiers croyants parmi les émigrés et les ansars et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée et il l'agrée et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Allah subhanahu wa ta'ala a compris la génération qui a succédé les compagnons dans ce verset et a exprimé son agrément envers eux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a donné le nom de tabi'in. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Allah dit ceux qui les ont suivis, les suiveurs. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne de même en disant: et il appartient également à ceux qui sont venus après eux et qui ont dit: Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets pas dans nos cœurs une gêne ou une rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et miséricordieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs gens sont ceux de ma génération et ensuite ceux qui les ont suivis et la génération d'après Yann. Mais alors quelle est l'importance de ces tabi'in, de ces successeurs? Et pourquoi prendrons-nous 29 ou 30 jours pour parler de ces gens-là? Eh bien, parce qu'il se trouve parmi eux des personnalités aussi brillantes que celles des sahaba, aussi brillantes que celles des compagnons. Ils ont vécu des combats et des événements impressionnants et ils ont montré des principes très valeureux. En prenant connaissance de leur histoire, j'ai senti que j'avais trouvé un trésor par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme à mon habitude, j'ai donc voulu le partager avec vous en espérant y trouver une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qui les distingue aussi nettement? Ici, j'aimerais vous rappeler que nous sommes aujourd'hui 1 milliard et 200 000 musulmans. Nous sommes dispersés partout à travers le monde. Et l'appel de la prière se fait entendre partout sur le globe. Et il y a aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que chaque génération de musulmans ait un rôle dans la préservation de l'islam. Même notre génération a eu le sien. Par exemple, la génération qui nous a précédés a enregistré la science religieuse dans les livres. Notre génération l'a transformé des livres vers les chaînes satellitaires et sur les réseaux internet grâce aux nouvelles technologies. Et après la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. La génération des compagnons fut celle qui a donné sa vie et ses biens en sacrifice pour planter les graines de la religion, pour y implanter la base de cette religion-là. Tandis que la génération des Salahuddin, par exemple, fut celle qui s'est opposée aux Tatars. Quant aux Tabi'in, ce sont ceux qui ont répandu l'islam sur terre et ont établi fermement sa civilisation. Ça veut dire qu'ils ont construit à partir de la base qu'avaient bâti les Sahaba. Ils ont assimilé les peuples des différentes civilisations qui s'unissaient à eux et parmi lesquels nous avons eu des juges, des juristes et des grands savants. Dans la plupart des religions, les générations suivantes déformaient les idées de celles qui les précédaient. Ce qui n'a pas du tout été le cas avec les tabi'in. Au contraire, ils ont préservé les idées et les principes de leurs prédécesseurs. Le Coran mentionne ces dérives. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la salat et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition dans Sourate Maryam. » À leur époque, de nombreux pays ont été annexés à la nation musulmane qui s'étendit du Maroc à la Chine. Les tabi'in ont fait l'effort de faire connaître l'islam à tout ce monde dont les différentes civilisations auraient pu noyer la nôtre. D'ailleurs, leur nom signifie qu'ils ont suivi les pas de leurs prédécesseurs. Nous leur sommes donc redevables pour beaucoup de faits, beaucoup de choses. Les quatre écoles, par exemple, des grandes écoles d'où nous puisons notre savoir religieux, ont acquis toute leur science, tout leur savoir des tabi'in, qui nous ont rapporté les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour comprendre encore mieux ce que je suis en train de dire, il faut comprendre et savoir que les compagnons ont été éduqués par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et ils ont été témoins de la révélation du Coran. Les versets descendaient du ciel, les aidant à prendre les décisions relatives à tel ou tel problème. Les tabi'in sont ceux qui ont mis en pratique ces règles-là, tout en conservant les principes des compagnons. Leur responsabilité a été donc très lourde, parce que dans la pratique, il y a des guerres, du sang, la mort et les combats quotidiens de la vie. Ils étaient appelés At-Tabi'in, les successeurs ou les suiveurs, et savaient que leur rôle, auquel ils tenaient fermement, était de suivre les traces et les pas de leurs prédécesseurs. Aussi, les Sahaba, les compagnons, vivaient à Médine, comme une seule communauté. Alors que Tabi'in se trouvaient partout dans le monde, dispersés. Ils étaient plus ouverts au monde que nous, mais préservaient les principes de l'islam et les tramaient à ceux des autres civilisations. Chaque époque a ses défis. Pour les compagnons, c'était comment donner son âme et son sang en sacrifice pour planter la graine de la religion de l'islam. Quant aux tabi'in, c'était de savoir comment répandre dans le monde tout en préservant la religion. C'est d'ailleurs pour cela qu'en leur siècle, il y eut beaucoup de combats. Mais il faut savoir que ce rôle qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit visait à faire d'eux notre modèle dans la vie pratique. Si certains d'entre nous pensent que la génération des compagnons était trop parfaite pour que l'on s'y conforme, alors nous pouvons au moins suivre At-Tabi'in, dont la vie était plus troublée que la nôtre et qui malgré tout ont réussi à sauvegarder la religion. Et certains détracteurs, par exemple, avancent que l'islam n'a été effectif que pendant 40 ans. Yani avec le prophète Mohammed et avec les califes bien guidés, et que depuis, les musulmans ne font que s'entretuer. Et subhanallah, cette parole, ce genre de propos, c'est loin d'être la vérité. Puisque cette civilisation dure depuis 14 siècles, il y a eu parmi les générations des tabi'in des personnalités brillantes dans tous les domaines. Citons par exemple les savants comme Al-Hassan al-Basri, Saïd ibn Musayyib, Salman ibn Abdullah ibn Omar ibn Khattab, radiallahu anhum, les gouverneurs comme Omar ibn Abdelaziz, Abdullah ibn Zubayr, et les militaires comme Harith ibn al-Haritha ibn al-Muthanna, et les lutteurs comme Zainab bint Ali bint ibn Abi Talib, et comme Saïd ibn Jubayr. Et parmi les dévots, Ouais al-Qarni, Zayd al-Abidin, ibn al-Hussein ibn al-Ali, et plusieurs autres de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous parlerons aussi des juges comme Shuraih. Et pour comprendre donc la psychologie des tabi'in, il faut prendre en considération notre envie passionnée de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien que 14 siècles nous séparent de lui. Comment ce sentiment devait-il être chez les tabi'in qui vivaient juste quelques années après lui? Que doit sentir celui qui n'avait jamais vu le prophète alayhi salatu wasalam et qui finalement, après être arrivé à Médine pour le rencontrer, s'entend dire qu'il est mort la veille? Subhanallah. Il a manqué le titre de compagnon d'un jour. Il devait donc gagner autre chose et devenir un tabi'in. Tous avaient en eux un sentiment très fort, très positif, de demeurer attaché à la religion, à la génération précédente, et de mériter de rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Ils étaient de même très attachés aux compagnons qui vivaient encore, et on ne remarquait pas de conflit de génération. Le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit d'eux, et il appartient également à ceux qui sont venus après eux, en disant ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans nos cœurs quelque rancœur que ce soit pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et miséricordieux. Nous vivons donc le mois de Ramadan, le mois du Coran, du jeûne et de l'adoration. At-tabi'in vivaient dans une époque matérialiste. Mais, malgré cela, à cause de l'état psychologique que nous venons d'expliquer, il y a eu parmi eux des adorateurs très distingués. Et je vous offre aujourd'hui une vue de l'adoration des tabi'in. En parlant de la salat, je cite Hatim ibn Assam. À ceux qui lui demandaient comment était son recueillement durant la prière, il répondit: j'appelle mon cœur, j'exalte Allah subhanahu wa ta'ala, et je me mets debout comme si la Kaaba était devant mes yeux. Le paradis à ma droite, l'enfer à ma gauche, le pont Sirat en dessous. Satan derrière moi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en train de me regarder, et comme si c'était la dernière prière que je devais faire avant de mourir. Subhanallah. Nous pouvons imaginer alors le degré de perfection de cette prière. Il dit encore: j'exalte Allah subhanahu wa ta'ala, j'exécute la génuflexion avec modestie et la prosternation avec humilité, et je ne sais pas si ma prière a été agréée ou pas. Subhanallah. Vous voulez un autre exemple? Vous voulez un autre exemple que je vous cite? Celui de Saïd ibn Musayyib, qui a dit: depuis 13 ans, je n'ai jamais entendu l'appel à la prière sans que je ne sois déjà dans la mosquée. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pouvons-nous imiter ces exemples? Seulement pendant le mois de Ramadan au moins? Un troisième a dit: j'étais fatigué de veiller la nuit durant un an, puis je m'en suis délecté durant 20 ans. Allahu Akbar. On a interrogé Al-Hassan al-Basri: pourquoi ceux qui prient la nuit ont le plus beau visage? Il répondit: parce qu'ils s'isolent avec le tout miséricordieux qui les couvre de sa lumière. Al-Hassan al-Basri tenait à la prière nocturne et il y habituait toute sa famille. Une de ses esclaves, qu'il avait vendue à une autre famille, s'était levée la nuit pour réveiller ses nouveaux maîtres pour la prière de la nuit, comme elle s'y était habituée avec Al-Hassan al-Basri. Elle découvrit que ces gens-là ne priaient pas la nuit et elle alla demander à Al-Hassan de la reprendre parce qu'elle ne pouvait pas demeurer dans une famille qui n'accomplissait pas la prière nocturne. Subhanallah, même leurs rêves dévoilait l'intensité de leur dévotion. L'un d'entre eux vit en rêve une très belle femme qui se présenta comme une Hurra'in, une femme du paradis, et il lui demanda de l'épouser. Mais il lui répondit que sa dot serait la prière de la nuit assidue de la part de l'homme. Subhanallah. La société des tabi'in comportait beaucoup de ferveur. Certaines personnes étaient venues du Yémen après la mort du prophète et avaient demandé à Abu Bakr de leur réciter du Coran. Ils pleuraient en écoutant Abu Bakr et expliquaient qu'ils auraient souhaité avoir entendu la récitation du Coran de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avez-vous commencé à sentir le degré de dévotion des sahaba? Oh mes frères, oh mes soeurs, ya ikhwan, ya akhawat. L'un d'entre eux disait qu'il savait lorsque ses invocations allaient être exaucées. Subhanallah. On lui a demandé quand. Ils lui demandèrent quand. Et il répondit: lorsque pendant l'invocation mes mains et mon cœur tremblent et que les larmes me coulent des yeux, alors je sais qu'elles seront exaucées. Allahu Akbar. Un autre disait que les invocations sont exaucées lorsque celui qui les formule est comme un homme qui implore son Seigneur, seul sur un bateau, en pleine mer et en pleine tempête. C'est ainsi que la force de la foi des tabi'in. C'est ainsi qu'était la force de la foi des tabi'in. Et à propos de l'aumône, Zayn al-Abidin emplissait des sacs de provisions qu'il mettait incognito devant les maisons des pauvres. Ils le découvrirent lorsqu'en le lavant à sa mort, ils le remarquèrent sur son épaule des traces de meurtrissures laissées par les sacs lourds qu'il portait sur son dos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Chez les tabi'in, était courant la prière de nuit, l'aumône, la prière à la mosquée, le Coran, les invocations. Alors, mes frères, mes sœurs, sommes-nous à mesure de suivre, d'être les successeurs des successeurs. ونكتفي على هذا القدر وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ويجعله شهر التوبة وشهر المغفرة وشهر الفتح والنصر على إخواننا الموحدين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.